pour rendre compte de la situation de la recherche aujourd'hui en Afrique, je ne vais pas, c'est l'Afrique pour rien, je ne veux pas dire grand-chose, je vais m'appuyer beaucoup plus sur un pays, qui est le Congo-Brazzaville, que je connais mieux. Je vais essayer un peu de me déconnecter aussi d'ailleurs, donc un peu recherche francophone, hein, en pays francophone. Donc on va être loin des pays anglophones qui ont une autre tradition et loin aussi des sciences biomédicales que je connais bien parce que elles sont les universités sont un peu, peut-être arrivées un peu plus tard. Mais elles avaient déjà une tradition parce que c'est les médecins, les pharmaciens, en tout cas milieu hospitalier, sont souvent enclins à développer systématiquement à faire de la recherche pour des raisons ne fût-ce qu'épidémiologiques, parce que c'est normal qu'ils le fassent. Pour eux, c'est très important. Et donc, même sans qu'ils pensent à des promotions universitaires, par exemple. Là-dessus aussi, je vais essayer de faire un peu comme a fait Dominique, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre la situation de la recherche aujourd'hui sur le continent africain si on n'essaie pas d'en saisir les différentes temporalités, je pense. Hein. C'est-à-dire que avant la colonisation, en prenant l'exemple de Brazzaville, donc j'ai dit tout à l'heure, avant la colonisation, pendant la période l'institutionnalisation des centres universitaires, mais en même temps la montée de l'État, plutôt le fait d'installation de l'État et les déflagrations de ces 10 ou 15 dernières années avec les guerres civiles, telles qu'on le voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc la situation ne peut pas être la même qu'il y a une vingtaine d'années. Donc je vais essayer de situer ça donc, dans cette approche un peu de la temporalité, en faisant remarquer d'emblée que Brazzaville avait la chance, comparativement à d'autres pays d'Afrique centrale, d'héberger le grand centre de l'Orstom à l'époque. Donc, beaucoup de recherches qui ont été menées en Afrique centrale l'ont été à partir de Brazzaville. Donc Brazzaville a été quand même un centre assez important. Et de ce point de vue-là, on n'est pas étonné de constater que c'est sur ce territoire-là que se sont appuyés beaucoup de chercheurs, dont les plus importants sont donc dans la première génération, du moins avant, dans les années 40 et 50, Balandier, Mercier, Sauté, Sauré, etc., etc., qui montrent vraiment bien qu'il y avait à la fois des recherches ethnologiques, bien sûr, qui ont continué, mais aussi toutes les mutations qui ont eu lieu après la guerre. Et les liens, en ce moment-là, qui étaient celles de ces instituts-là, étaient surtout avec les autres pays coloniaux, si vous voulez. Hein. Donc, moi, j'étais tombé, par exemple, sur un truc sur les ethnies à l'époque, qui était un espèce de change à l'Institut, ça s'appelait un ancêtre de l'Orstom, qui devait s'appeler l'Institut Centre-Africain, dans lequel il y avait un colloque avec tous les Portugais, les Anglais, les Français, etc., etc. C'est la période qui va nous donner, donc, justement, cette partie de ce qu'on va appeler l'anthropologie dynamique, et qui va féconder une série de choses assez importantes. Et il y a une deuxième période qui me paraît importante, c'est celle qui va courir tout de suite après l'indépendance, jusque dans les années 80, où l'Orstom va bénéficier, si vous voulez, d'une sorte de situation assez paradoxale. C'est-à-dire que d'une part, il va y avoir l'arrivée du parti unique, mais dirigé par des jeunes anciens militants des mouvements de gauche en France, etc., et qui va commencer à entretenir un lien assez singulier entre cette recherche-là, donc ils vont avoir une certaine influence. D'ailleurs, le premier ministre de l'époque est lui-même chercheur à l'Orstom, c'est Pascal Lissouba. Donc il va essayer d'influencer en montrant un lien, un peu une sorte d'interaction entre l'Orstom et le pouvoir en place. Et ce qui va attirer un nombre de chercheurs, notamment des chercheurs d'obédience marxiste, qui vont le prendre comme champ d'expérimentation. On va voir arriver, bien sûr, Pierre-Philippe Rey, Bonafé, Hugues Bertrand, Catherine Cotkri-Mitrovitch, Jeanne-Françoise Vincent, Dupré, etc., etc. Donc, vraiment, il y a des liens qui se passent entre l'institution politique et l'institution de la recherche. À ceci près qu'au sein même de la recherche elle-même, par contre, les rapports restent toujours ceux de suzeraineté, c'est-à-dire que moi je les appelle, c'est-à-dire qu'il y a le chercheur, comme on a dit tout à l'heure, qui vient du Nord, qui a son informateur qui le guide un peu partout, mais il ne se passe pas grand-chose pour le... Et ça, ce rapport-là, bien sûr, va continuer, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, bon, déjà pour parler de ce que ça va produire à l'époque, donc on va voir, bon, c'est l'époque des fameux modes de production, des classes d'âge, mais aussi dans cette relation qu'il y a entre les élites politiques et les chercheurs, nous sommes à l'époque de la recherche, la grande période de la recherche-action, c'est-à-dire autour du paradigme du développement, et avec tout ce qu'elle avait justement d'évolutionniste. Donc je disais que au sein même de la recherche en ce moment-là, il y a l'université qui est naissante à Brazzaville et tout ça, il y a des jeunes docteurs déjà qui commencent à affluer, mais nous sommes toujours dans un rapport de souveraineté, c'est-à-dire vraiment ça n'a pas beaucoup changé. Il y a le chercheur du Nord qui arrive, qui cherche son, comme on dit en Afrique, son petit, qui l'amène un peu partout, et lui, il fait une bonne monographie, quelquefois qu'on ne l'envoie pas, mais qui le fait un peu, si on peut dire, qui lui permet de faire sa promotion. Et là, et les jeunes, par contre, du côté des docteurs qui arrivent, ils sont aussi façonnés, si vous voulez, dans cet esprit, un esprit de corps, par exemple. Il va avoir non seulement des points de vue, des classifications de type idéologique, mais aussi d'origine des écoles. C'est-à-dire, il y aura des gens de Grenoble qui ne toucheront pas, qui se feront un peu distants de ceux de Bordeaux. Et surtout, je voyais les économistes qui vont former leur école de Grenoble qui s'auto-reproduit avec autour des thèses de Bernice, etc., etc., les géographes, la tendance de Bordeaux contre je ne sais pas qui. Mais c'était vraiment... c'était assez... Du côté, par contre, des générations antérieures, il y aura tous les partisans en histoire, en philosophie, surtout, il y aura tous les partisans de Cheikh Anta Diop contre tous les autres, et parmi tous les autres, ceux qui vont jouer sur la littérature, et plutôt sur l'histoire immédiate, donc, et toutes les formes d'histoire. Donc, on voit bien que là, c'est un... En fait, on est dans un champ quand même de conflictualité du point de vue de la connaissance, mais dont on ne revoit pas les retombées directes, parce qu'effectivement, on est là dans un esprit quelquefois de secte. Même si les pays en ce moment-là, et notamment le Congo-Brazzaville, va se doter de ministère de la recherche, justement peut-être pour relayer quelques éléments pour un peu en savoir un peu plus sur deux ou trois choses sur lesquelles on se pose des questions, mais ça ne changera pas beaucoup parce que, notamment, c'est les médecins, je pense, à cette époque-là, qui vont bénéficier de beaucoup de petites choses, notamment avec l'intervention, je pense, avec les gens de Nanterre, du côté des pygmées, par exemple, mais il y a toute une vision qui est toujours quand même ethnocentriste. Là, par contre, il y a quelque chose qui se... Puisque nous avons toujours la présence de l'Orstom à Brazza, il commence à y avoir, parmi les jeunes chercheurs, des liens assez singuliers, puisque nous avons là aussi un problème générationnel. Les gens qui arrivent, ils se sont connus peut-être un peu dans les universités européennes, et ils commencent à tisser des liens, et donc c'est la naissance des laboratoires et des centres... des laboratoires, moi j'en vois dans les années, fin des années 80 ou du moins milieu, des laboratoires assez importants où interviennent beaucoup de gens qui sont à l'Orstom, Et en même temps, c'est par exemple du côté de la médecine, où j'étais à l'époque, et on commence à voir, par exemple, le programme santé et urbanisation qui collabore à un moment donné, à quelques moments, avec l'université. Mais je pense que le grand changement intervient dans les années, au début des années 90, avec à la fois l'effondrement du mur de Berlin, comme vous voyez, donc le collapsus, la disparition du parti unique, et tous les mouvements qui vont surgir, si vous voulez. Du point de vue de la science sociale, des sciences sociales, c'est là que ça va se passer. Au moins autour de trois éléments qui me paraissent importants, parce que nous allons non seulement avoir une sorte de creuset, la société va être le creuset d'un changement terrible, mais nous allons avoir aussi une accélération historique. C'est-à-dire, nous allons avoir exactement ce qui va se passer du côté du sida, notamment en sciences médicales, c'est-à-dire l'apparition de cette pathologie-là. C'est pour ça qu'on trouve des grands chercheurs africains qui sont très bons, très bien, parce que l'apparition de cette pathologie-là fait démarrer tout le monde au même moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ceux qui ont pris de l'avance parce qu'ils avaient des choses importantes, mais plutôt ils avaient déjà une sorte de bagage d'avant. Mais tout le monde va partir au même moment, même si c'est vrai qu'il y a des disparités entre laboratoires. Mais il y a quand même le fait que, sur certains points, on est tous là, on est tous en train de chercher, et chacun essaie de trouver avec les moyens de bord. Donc on va se retrouver dans une situation qui va être exactement, du moins pour les sciences sociales, dans la... C'est-à-dire que nous allons avoir trois éléments fondamentaux, c'est-à-dire des situations de fait qu'il faudra réfléchir. Et là-dessus, on est tous un peu, et ceux de là-bas et ceux d'ici, sur le même diapason. D'autant plus que pour une fois, donc, on n'a pas le... Ce n'est pas dicté de l'extérieur, mais les faits sont là. Il y a l'innovation démocratique, il faut la réfléchir, les conférences nationales, etc., etc. Il faut tout ça, il faut essayer de brasser. Et pour une fois, on va se tourner vers... On va avoir une situation inverse, c'est-à-dire ceux de l'intérieur, qui sont peut-être quelquefois des acteurs, vont pouvoir à la fois réfléchir à leur action politique. Donc l'action politique devient même un sujet de recherche. C'est-à-dire qu'on a là quelque chose d'assez important. Et l'engagement citoyen donne des outils, exige des outils scientifiques pour réfléchir des choses, notamment. Et c'est là qu'on commence à voir des théorisations assez spécifiques où, à partir de... Certains vont essayer de réfléchir à partir de Hobbes et de Marx, etc., etc. Des choses qui sont en train de se passer là et qui sont pour eux une opportunité. D'autre part, je pense qu'il y a un décloisonnement. Autant on parle de transdisciplinarité, et là, il y a un décloisonnement de fait, puisque tout le monde, à la fois les sociologues, les philosophes, les historiens, il y a un brassage qui se fait. Chacun essaie effectivement de produire du sens à partir de ce qu'il voit. Donc, ce sont ces situations inédites, hein, exigeant d'ailleurs des réponses quotidiennes, qui vont servir de rampe de lancement à une autre forme de recherche et qui vont voir dans les bouleversements sociaux qui sont en cours des sujets de recherche immédiats. Par exemple, les mutations du fait sorcellaire en Afrique centrale avec l'apparition des enfants sorciers, les enfants de la rue, les enfants soldats, des choses qui n'étaient pas connues jusque-là et qu'il faut réfléchir. On est là dans une histoire qui est en train de se faire, et en même temps, on est pris par la nécessité de réfléchir en même temps ces choses-là. Moi, je pense que, bon, ça, je vois dans l'histoire comment ça s'est fait aussi quelquefois dans certains moments cruciaux en France, notamment dans le cours des années 1789 et jusqu'au retour de l'esclave, jusqu'à Napoléon. Il y a véritablement quelque chose qui se faisait là. J'ai vu ça dans certains textes et qui montre effectivement qu'il y a, même du point de vue du côté des économistes, qui commencent à repenser la débrouille. comme un sujet économique, c'est-à-dire comment les gens s'en sortent, parce qu'on n'a plus les repères d'avant. Des salaires qui sont coupés pendant 6 mois, des profs qui continuent à aller enseigner. Et aller expliquer ça à quelqu'un, ce n'est pas possible du point de vue économique. La personne est morte depuis longtemps et pourtant elle va. Elle va. Donc il faut qu'on commence à repenser ces choses-là. On ne peut pas comme ça immédiatement dire ce n'est pas possible. Comment vous faites pour vivre? Donc il y a ces économies qui se passent, donnent des outils aux chercheurs qui sont là en ce moment-là. Mais ce n'est aussi possible que parce que non seulement qu'il y a un décentrement des lieux de production scientifique, mais parce que aussi il y a des choses qui se passent en ce moment-là qui n'auraient pas eu cours. Et par exemple, c'est vrai qu'il y a l'Orstom pendant cette période-là est pillé, par exemple, à Brazzaville, donc il n'y a plus d'Orstom. Donc les relations qu'on avait, Orstom privilégié, disparaissent. Mais par contre, il y a par exemple, qui était timide en ce moment-là, le Codestria apparaît comme un centre dans lequel effectivement on peut aller fédérer nos connaissances. Le Codestria étant à Dakar, étant la porte ouverte sur la recherche en Afrique et le lieu de jonction de tous les chercheurs du continent, qu'ils soient lusophones, anglophones, donne un élan nouveau autour des thématiques, même si elles sont quelquefois inspirées des thématiques occidentales, mais elles sont abordées de manière différente avec des chercheurs africains de pointe reconnus sur le plan international, donc qui sont là à la fois, qui servent de maître pour les jeunes, puisqu'on invite les pointures, ceux qui connaissent leur sujet, certains types de sujets, et impulse tout un processus de recherche qui commence à prendre en ce moment-là et qui prend à tel point qu'on a plutôt. Parce qu'il y a aussi des instituts spécifiques, instituts de l'enfance, instituts du genre, etc., qui travaillent sur des choses assez spécifiques. De la même façon que cette décentralisation va provoquer en fait une ouverture sur d'autres pays, il y a des pays qui n'avaient pas d'entour, qu'on ne connaissait pas puisque l'influence de la France était telle, comme les pays scandinaves qui vont, à travers le Codria, certes, mais aussi à travers leurs propres projets, commencer à voir défiler des chercheurs dans leurs locaux. Et ça, d'autant qu'au niveau institutionnel africain, s'institue le CAMES, qui commence à être un lieu d'évaluation différent que l'évaluation qu'on faisait avant. Directement qui était calqué sur les universités européennes. Donc, avec l'effet que les bouleversements auxquels on va assister dans ces années 80 vont malheureusement, justement, avoir des conséquences quelquefois très graves au niveau de. Puisque nous savons que pour le Congo-Brazzaville, pour la RDC aussi, mais pour d'autres pays, c'est que nous allons avoir une guerre civile, donc une diaspora qui va partir. En ce moment-là, plutôt des chercheurs qui vont se diasporiser, si je ne sais pas si le néologisme peut prendre. Et c'est effectivement, c'est l'exemple du réseau qui était le nôtre, un peu, sur lequel je peux dire deux petits mots en conclusion. C'est-à-dire qu'on avait appelé le réseau Rupture, qui avait publié un peu qui va encore ressortir là. Une série qu'on appelle Rupture Solidarité, c'est-à-dire qui était née en fait à partir d'une pétition des chercheurs face à la guerre civile naissante, puisque après le Rwanda, on s'attendait à ce qu'il y ait une contagion dans la région, donc il y a eu des chercheurs qui ont lancé une première pétition qui n'a pas recueilli pas beaucoup de monde et pas beaucoup de signatures, 200 signatures quand même, mais et qui a eu l'idée en ce moment-là de faire un colloque autour de ces questions, justement, de questions ethniques qu'on avait abandonnées, qu'on avait pensé que c'était du passé. Finalement, ce colloque-là a donné lieu donc à un réseau, à la fois associatif en termes d'associations de gens de terrain, mais aussi des chercheurs qui n'étaient pas Congolais, au sens où ils étaient, mais qui vivaient au Congo, en ce sens que n'importe quel chercheur qui était au Congo, n'importe quel enseignant qui qui étaient au Congo, qu'ils soient français, qu'ils soient de l'Afrique de l'Ouest ou maghrébins, et pouvaient effectivement appartenir à ce réseau. Et ça, ça s'est consolidé autour d'une revue donc, qui a porté, qui était une revue éponyme, et qui a été justement, qui a pas plus, qui s'est développée au départ sur le terrain, mais qui n'a pas pu aller plus loin, puisqu'en 97-98, là, c'était vraiment le sac de Brazzaville par les milices, et donc tous les chercheurs se sont, et enseignants se sont dispersés. Et c'est peut-être que c'est dans cette dispersion-là que ce petit réseau qui s'était maintenu qu'à là-bas a commencé à se solidifier et à tisser des liens justement à travers toutes les institutions que je, dont je vous ai parlé, le Côte d'Estrie notamment, mais certains types de réseaux qui étaient déjà ici, notamment à la Maison des Sciences de l'Homme, le réseau des acteurs émergents, à se diversifier aussi bien sur, au niveau de la littérature, avec le réseau ITEM du CNRS autour des écrivains africains et notamment congolais, Sonny Labotonsi, Chikayo Tomsi, etc., et Dongala et Lopez. Et donc, et a commencé donc à se trouver une place, il fallait bien que les gens de cette diaspora se trouvent une place, du moins continuent leur activité en tant que chercheurs sur le terrain ici. Et ce que beaucoup ont réussi à faire de manière institutionnelle en trouvant des postes, mais que d'autres n'ont pas réussi, mais et qui a donné, si vous voulez, qui s'est reproduit, puisqu'on était dans une situation où justement on pouvait réfléchir de l'extérieur sur ce qui nous était arrivé, on pouvait en ce moment-là réinvestir ça, vraiment aller beaucoup plus loin. C'est ce qui a donné des écrits, des écrits d'une certaine valeur, je pense, et qui ont permis d'avoir une visibilité paradoxalement au Congo, c'est-à-dire en Afrique, parce que c'est comme ça. Je ne suis pas sûr que Didier Drogba aurait été reconnu dans la secte d'Abidjan, mais jouant en Angleterre, il est de plus en plus reconnu. C'est donc le paradoxe qui fait qu'il y a des écoles doctorales qui se créent à Brazzaville grâce à ceux qui ont été dans la diaspora, qui ont donc acquis un certain type de statut. Donc, la situation de la diaspora, pour être un peu plus précis là-dessus, en fait, Michel a dit au début que c'est-à-dire on se pose la question si ce sont ceux qui étaient dedans qui s'en vont, ou plutôt c'est elles se recomposent. Je pense que c'est une situation un peu drôle, parce que les diasporas ont le paradoxe de se créer surtout dans les pays dans lesquels, en fait, il y avait les anciennes colonisations, c'est-à-dire les pays colonisateurs. Or, ce sont des pays qui, eux, entretiennent toujours une sorte de paternalisme convenu avec les anciennes, avec les élites qu'elles ont formées. C'est le gros paradoxe. C'est-à-dire, vous êtes formé en France, vous repartez chez vous, mais ce n'est pas sûr que quand vous revenez, vous pouvez être reconnu comme avoir été formé ici. Donc, ça vous donne que beaucoup de gens de la diaspora vont migrer aux États-Unis, où ils seront reconnus, ils pourront revenir en France. Mais dans la France, on ne les prend pas parce qu'ils sont peut-être concurrentiels dans certains domaines. Deuxièmement, donc c'est une situation qui se retrouve comme celle des gens de présence africaine, si vous voulez, dans les années 40, quand ils ont été autour d'Alun Diop, obligés, ils publiaient leurs textes, personne ne les... C'est pas la NRF qui allait les publier ou Gallimard, donc ils étaient obligés de publier leurs propres textes entre eux, et c'est ce qui a fait la reconnaissance de certaines grandes figures comme certaines grandes figures de la littérature aujourd'hui que nous reconnaissons, mais que personne ne lisait à l'époque. Donc c'est un peu cette situation, et qui fait que, en fait, la situation commune que beaucoup de chercheurs africains, donc leur précarité en tant que chercheurs dans la diaspora, font qu'ils sont obligés de réfléchir ensemble, d'autant que beaucoup de questions qu'ils se posent, eux, ne rentrent pas dans les problématiques, comme on a dit ici. Par exemple, il y a eu le Rwanda, mais aller chercher une réflexion sur le Rwanda en France, il n'y a pas beaucoup. Vraiment, il n'y a pas beaucoup. La Côte d'Ivoire, que l'on connaissait bien, il y avait beaucoup de chercheurs qui allaient en Côte d'Ivoire pour faire du terrain. Impossible de réfléchir sur la Côte d'Ivoire. Ils ne savent plus ce qui s'y passe. Donc, il faut bien que ceux qui ont à la fois sont originaires de ces parties du pays, qui ont le bagage, puissent effectivement réinvestir leur terrain d'origine pour y réfléchir. Et voilà. Donc, cette situation de migrants, de travailleurs migrants de la recherche, est à la fois paradoxale, mais elle permet la valorisation des recherches locales, parce que c'est là qu'on découvre en fait qu'il y a de la recherche en Afrique. Moi, j'ai découvert par exemple des philosophes. Une fois, j'étais dans une réunion du Codestria pour la formation des jeunes chercheurs. J'ai découvert un logicien ivoirien que moi, je ne pouvais pas connaître. Ce n'était pas possible que je le connaisse, mais vraiment quelqu'un d'une très grande puissance et philosophique, épistémologique, hein, vraiment quelqu'un de très, très fort. C'est la diaspora, paradoxalement, qui permet d'accéder à des gens comme ça qui, sûrement, à côté desquels on serait passé si on était sur place. Voilà, en gros, ce que j'avais à dire. Cette situation de la diaspora, en fait, qui fait sa force, c'est-à-dire que ça... Parce qu'il n'y a véritablement jamais eu... Parce qu'on parle de communauté scientifique, il n'y a jamais eu entre les pays colonisateurs et les pays colonisés de véritable communauté scientifique. Les uns ayant fonctionné comme j'ai dit tout à l'heure, comme informateurs, les élites même qui ont été formées n'ont pas pu intégrer à quelques exceptions près, par exemple dans le cas de l'Orstom, et n'ont jamais réussi à intégrer véritablement des équipes ou plutôt à faire ce lien qu'on aurait pu faire du temps où il y avait encore la paix en Afrique et qui aurait peut-être été fécondé d'autres approches théoriques. Du moins, voilà ce que j'avais à dire sur même de manière polémique sur cette petite question.